Olá, caro ouvinte, muito boa tarde, seja bem-vindo a mais um Histórias da Eurovisão. Hoje é sábado, dia 28 de agosto de 2010. Trazemos-lhe nesta edição do Histórias da Eurovisão uma emissão diferente. Vamos traçar-lhe uma pequena perspectiva de como é o festival ao vivo desde 1956 até 2005. Que são as interpretações que hoje passaremos a exibir. A emissão vai ser tão diferente que eu nem vou falar nas próximas 8 melodias. Vou apenas voltar para me despedir e desejar-lhe um bom fim de semana. Mas antes, vai ter de 1956 Das Alte Karussell, da Suíça, melodia interpretada por Lise Astia. Também de 1956, Getty Pyrne representava a Holanda com a música Die Folgen van Holland. De 1958, chegávamos à interpretação ao vivo de Jean-Philippe, representando a França com Oui, Oui, Oui, Oui. A quarta música chega-nos da Itália e é de 1964, Nonoletà, da pequena jovem de 16 anos, Gigliola Cinquetti. A quinta vem de 10 anos depois, de 1974. Os ABBA, vindos da Suécia, venciam o Festival da Eurovisão com Waterloo. Em 2004, era a vez de ouvirmos Marta Huren jogarem a este mar, representando a Andorra. Jelko Jasimovic, com L'Animoia, também de 2004, representava a Sérvia e Montenegro. Esta música particularmente celebrizou-se no país de origem. Em 2005, os Wigwam traziam-nos da Noruega In My Dreams. E estas são as 8 melodias que irão compor a nossa edição de Histórias da Eurovisão, hoje, 28 de agosto de 2010. Vai ouvir diferentes qualidades de som, é natural, porque estamos a atravessar 50 anos. Eu volto daqui a alguns minutos, depois destas 8 melodias, para me despedir. Fique bem e tenha um bom espetáculo. Das alte Karussell, das geht nicht mehr so schnell. Die Pferdchen und die Wagen, die wollen nicht von der Stell. Da hilft auch kein Glasier und auch kein Neulackier. Da hilft das eine, man muss es einmal schmieren. Und auch das alte Orgelspiel, das piepst wie eine Maus. Von Zeit zu Zeit wird's ihm zu viel, dann setzt es einfach aus. Das geht nicht mehr so schnell. Die Pferdchen und die Wagen, die wollen nicht von der Stelle. Die Kleinen und Großen, sie ziehen und stoßen, und so geht es im Kreise herum. Sie traben und ziehen an den Wagen, und die Orgel, die wird wieder jung. Ein komischer Gesell, dieses alte Karussell. Von unten bis oben ist alles verschoben, doch im Kreis geht es doch noch herum. Das alte Karussell, das geht nicht mehr so schnell. Die Man muss es einmal schmieren und auch das alte Orgelspiel, das fliegt wie eine Maus. Von Zeit zu Zeit wird's ihm zu viel, dann setzt es einfach aus. Das Das geht nicht mehr so schnell. Die Pferdchen und die Wagen, die wollen sich von der Stelle. Das alte Want nergens zijn de plassen zo blauw als in Holland, meneer, als in Holland, mevrouw. Het is geen wonder, want nergens is het gras zo voldoen. Zijn de meisjes zo lief, zijn de meisjes zo trouw, en daarom zijn de vogels hier allemaal zo muzikaal, zo muzikaal, zo De hele wereld door heb ik vogels horen zingen. In het zuiden, in het westen, in het noorden. In vele verre landen heb ik vogels horen zingen. Zij zingen kleine liedjes zonder woorden. De Franse vogels zingen tudelulu. Japanse vogels zingen tudelulu. Chinese vogels zingen tudelulu. Maar de vogels zingen nergens zo gelukkig en blij als in Holland in het voorjaar in de wei. De vogels van Holland zijn zo Ze leren in hun prille jeugd al dieren. De meren, de lijsten en de nachtegaal. Om zo de lente in Holland goed te kunnen vieren. Het is geen wonder, want nergens zijn de plassen zo blauw. Als in Holland, meneer, als in Holland, mevrouw. Het is geen wonder, want nergens is het gras zo voldoen. Zijn de meisjes zo lief, zijn de meisjes zo trouw, en daarom zijn de vogels hier allemaal zo muzikaal, zo muzikaal, zo muzikaal. Het liedje heet Wie Wie Wie Wie. Het wordt gezongen door Jean-Philippe, een vrij jonge zanger. L'orchestre placé sous la direction de Die vorig jaar in een jonge talentenuitzending van Europa naar beneden. Oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui. Nous ferons le tour du monde avec mon toi, ma jolie. Oui, oui, oui, oui, oui, oui. Nous n'aurons plus pour amis que la brise vagabonde et le soleil de midi.

Napoleon, no wonder the song is called Waterloo. This is Sven Olaf Waldorf, who's really entered into the spirit of it all, dressed as Napoleon, waiting for Waterloo by ABBA for Sweden. Watch this one. Almost repeating itself. Waterloo, I was defeating you on the wall. Waterloo, promise to love you forevermore. Waterloo, couldn't escape if I wanted to. Waterloo, knowing my fate is to be with you. How could I ever refuse? I feel like I win when I lose. Waterloo, I was defeated, you won the war. Waterloo, promise you'll love me forevermore. Waterloo, couldn't escape if I wanted to. Pensem en res, aprofitem que estem solets, aparquem tots els problemes i disfrutem d'aquest moment. Aquesta nit farem que sigui nostra. Aquesta nit podrem ser el que vulguem mentre esperem que surti el sol. Vull que estiguem junts, que no deixem de jugar. Vull que em diguis jo t'estimo tot i no sé. Vam tenir tots dos en tota realitat. Una nit que ara vivim i volem que duri eternament. No m'importa res, només nosaltres. Aquesta nit val tot, seré qui vulguis mentre es m'aparegui el sol. Vull que estiguem junts, que no deixem de jugar. Vull que em diguis jo t'estimo tot i no sé. Vull que em diguis jo t'estimo tot i no sé veritat.

feel don't wake me up. Oh, I don't ever wanna start. Espero muito sinceramente que tenha tido um bom espetáculo. Tenha a continuação de um bom fim de semana e até de hoje a 8 dias.